J'ai trouvé un grand intérêt à ces trois diverses, à ces trois différentes communications. Je vais dire quelques mots de chacune d'elles et poser quelques questions, en commençant dans l'ordre qui a prévalu. Donc, je vais commencer par le travail sur ces cultes des deux saints en Argentine. Là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce qui est posé comme question, c'est la problématisation de la question de la résistance. Est-ce que des cultes de ce type, stigmatisés, si on veut parler ce langage par la population, par le discours dominant, dans ce langage-là, on trouve effectivement toute la question qui se pose. C'est évidemment suit l'ordre des questions dans ces problématiques-là, et ce que fait très bien saillir cette contribution, c'est de dire alors si il y a stigmatisation, est-ce qu'il va y avoir en face ce qui vient se proposer face à cette stigmatisation, c'est des conduites de résistance. Des conduites politiques, pré-politiques, embryonnaires politiques, mais en tout cas quelque chose qui viendrait se placer face à cette stigmatisation, puisque stigmatisation, ce mot contiendrait en lui un ensemble de jugements, toute une série de jugements qu'il s'agirait de défaire comme ineptes par des gens qui s'opposeraient à eux, ou en tout cas que d'autres formes peuvent avoir droit de citer. Or là, ce qui est montré, ce qui est questionné par rapport aux réponses, par exemple, de Hobsbawm, dit-elle, c'est non pas une réponse de résistance directe, on n'est pas dans une problématique de réponse, en tout cas, pas dit comme ça, c'est-à-dire pas forcément nécessairement, on peut ne pas analyser directement ces conduites comme étant des conduites de résistance ou des conduites politiques qui viendraient s'opposer aux accusations portées par la stigmatisation, mais plutôt par des tentatives ou des pratiques d'autonomie, de présentation de soi, d'autonomie, et par des gestes qui sont immédiatement qui vont être enregistrés sous le mode esthétique du mauvais goût, par exemple, mais mettre au long des routes des hôtels de ce type éphémères, qu'est-ce que ça veut dire pour un anthropologue, qu'est-ce que c'est que ces formes. Et là, il y a une réponse extrêmement intéressante sur des opérations de visibilité, et qui ne sont pas nécessairement... Alors là, peut-être qu'il faudrait travailler plus sur l'intentionnalité derrière cette visibilité, en tant que... et c'est pour ça que la seule chose, mais c'est parce que vous n'avez pas le temps en 20 minutes, c'est qu'on s'attendrait à une description très fine de chacun de ces sanctuaires, pour pouvoir voir comment sont accrochés et mis ensemble un certain nombre d'objets, pourquoi, ce qu'il veut dire, comment ils sont commentés, qu'est-ce que c'est que ces cultes. Vous parlez de cultes, mais là, je suppose que vous le faites, mais là, on ne sait pas ce que sont ces cultes exactement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous les saisissez par des analyses d'objectivation de soi malgré tout, et du tout le travail de mise en visibilité, non pas forcément, il me semble, je peux me tromper, ce que j'ai entendu de ce que vous dites, c'est qu'elles ne sont pas à analyser d'abord comme réactives, mais comme une promotion de soi, une héroïsation de soi, alors qu'il s'agit de précarité. Est montrée, est représentée la précarité à travers l'extrême fragilité des matériaux, qui sont les matériaux dans lesquels on vit, etc. etc. Et ça, c'est effectivement quelque chose de tout à fait intéressant. Quant à ces deux saints, moi j'en vois des comme ça en Ouganda, en RDC, ces types de saints Je ne sais pas si vous en parlez, j'ai lu le papier et je vous ai entendu, mais je n'ai pas lu des choses plus larges. Est-ce que ce sont des... Est-ce qu'il y a des aspects héroïques dans leur trajet? Est-ce qu'il y a des... Et donc, on aurait besoin d'avoir un... Enfin, vous le faites certainement, mais dans ce dont moi je dispose, j'aimerais en savoir plus sur la question de leur vie. Vous l'avez résumé, mais en quelques mots, donc je ne peux pas en faire, puisque je sais grand-chose ici, mais ce que je trouve très, très intéressant dans votre travail, c'est de vous être posé la question de l'autonomie, de la représentation d'une autonomie de contre-conduite. Certainement, ce sont des contre-conduites, mais ces contre-conduites, elles ne sont pas présentées comme contre-conduites, mais comme la façon dont on vit et donc dont on rend des cultes. C'est d'essayer de tracer sans rupture, sans solution de continuité, sa vie, ses cultes. Et donc là, il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant, non pas qu'elle ne puisse pas avoir ensuite, par des repreneurs politiques, des visées de résistance et de lutte. Hein, mais on n'a pas encore les repreneurs, mais on les aura certainement à terme. Donc voilà ce que j'ai trouvé donc très intéressant, ceci. La deuxième intervention sur Paray-le-Monial et sur les groupes de l'Emmanuel, que moi j'ai beaucoup rencontré à Medjugorje, sur des tas-lieux Mario, est aussi tout à fait d'un grand intérêt, parce que là, ce qui est intéressant avec la problématique du colloque sur classe sociale, c'est que là, on a donc une population, un public de type bourgeoisie traditionnelle, bourgeoisie. Et là, la bourgeoisie, elle n'a pas besoin de classe, elle a besoin de peuple. Bourgeoisie, cette bourgeoisie-là, elle n'a pas besoin de classe, elle a besoin de peuple. Et pour ça, religion populaire, c'est tout bénef. Donc, si vous voulez religion populaire, ça vient remplir peuple et ça vient défaire classe. C'est-à-dire que cette bourgeoisie qui pourrait être lue comme un terme dans le vocabulaire de la sociologie des classes, et qui est bien une classe, elle a besoin pour s'allonger pleinement, pour s'allonger, pour s'étendre, si vous voulez, pour s'étendre, de quelque chose face à elle, qu'elle vient ressusciter, si je puis dire, et mettre en place dans les techniques de la reprise en main, etc., de la spiritualité de la reprise en main, de tout ce qui va avec les travaux de la reprise en main. C'est quelque chose qui ne serait pas des classes, et quelque chose qui croit, quelque chose qui, etc., etc., mais qui n'est pas là, qui n'est pas là, mais qui n'est pas là, qui n'est pas là sous sa forme physique. Il y a là des bourgeoisies, mais cette bourgeoisie, pour s'asseoir, elle a besoin d'une image de la croyance populaire qui n'appartient qu'à elle. C'est-à-dire que cette espèce de chose que les anthropologues, la sociologie critique et les anthropologues ont essayé de casser dans les mouvements et de la critique historique ou de la... je sais pas comment appeler ça, de la réhabilitation de la croyance populaire, là, évidemment, elle est prise à contre-emploi par rapport au travail critique ou à la réhabilitation de la croyance populaire par l'anthropologie. Là, elle est reprise dans son sens antérieur, c'est-à-dire à force de jouer les théories critiques. Vous, les catholiques de gauche, ou vous, les sciences sociales, ou vous nous avez enlevé ce qui faisait nos assises, c'est-à-dire ce continuum, là, cette fois-ci, entre la foi, là où ils reconstruisent une continuité, non pas pré-logique, mais au contraire de ce qui faisait l'animation du christianisme, c'était quelque chose qui était une continuité entre la foi du paysan, entre le Père Noël, s'il y avait un Père Noël, ou je ne sais pas quoi, de la Sainte Vierge, avec ses anges, avec tout l'échantillonnage complet, c'est-à-dire tout le bordel, toute la population qui faisait toute la population, s'il fallait peupler, c'était parce que ce système était peuplé par le peuple dans sa diversité, que la bourgeoisie trouvait des formes d'assises qui ont été défaites par tous ceux qui se réclamaient des classes sociales. Et là, il y a quelque chose avec Marguerite Marie Alacoque et son culte, et le culte du Sacré-Cœur, et tous les travaux sur la transverbération du cœur, etc., sont là quelque chose qui va aller vers les théologies de l'amour, vers des théologies de l'amour, vers des quelque chose qui ne se compte pas, ne se décrit pas sous le rapport de l'autonomie des classes. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans cette construction de la reprise en main, mais aussi de la redistribution des capacités de tous. Là, il y a un tout qui est reconstruit à la relation spirituelle. Voilà, quelque chose comme ça. Ah, mais je... Mais oui. Donc, s'agissant du Secours catholique, là, on a quelque chose qui va au contraire du côté du questionnement de la... du retour vers soi. De la théologie de la libération sous certaines de ses formes. On a là, si vous voulez, ce que vous explorez, c'est le travail que fait le Secours catholique sur la notion de charité et sur la façon dont, après 68, il va essayer de retravailler le terme inégalité avec deux contraintes. À sa gauche, le travail sur inégalité des marxistes et de la génération de 68, et sur sa droite, le travail de aider les pauvres, et le geste distributeur. Donc ils sont contraints par deux types de grammaire, celle de aider les pauvres et celle des analyses de type marxiste que certains prêtres et certains mouvements, comme les communautés de base, etc., avaient utilisé en Amérique latine, et qu'ils vont essayer, une partie d'entre eux, dites-vous, de retraduire comme étant peut-être possible ici. Mais là, ils font l'épreuve, les gens du Secours catholique qui seraient porteurs de ce type de pratique qui irait vers... une réflexion sur les inégalités, mais inégalités qu'il va falloir recycler à l'intérieur de cette contrainte et repenser, de même qu'il va falloir repenser le travail des bénévoles face aux personnes qui demandent de l'aide. Ça va être effectivement une nouvelle économie de ce que c'est que de demander de l'aide. Comment, avec des gens qui demanderaient de l'aide, qui entreraient, comme vous le disiez et comme vous l'écrivez, par cette porte-là, les transformer en acteurs, et non plus en demandeurs d'aide, mais en des personnes qui seraient auteurs d'un certain nombre de compétences. Et ça passe, et ça c'est extrêmement... Je n'ai jamais entendu ça, c'est extrêmement intéressant, par ce qu'apportent les savoirs de l'expertise, c'est-à-dire le fait d'être reconnu de par ses savoir-faire, de ses compétences, qui est un type de raisonnement qui vient de la reconnaissance de l'expertise, ça c'est vraiment très intéressant. Donc là il y a quelque chose de tout à fait nouveau dans votre analyse, qui est reconnaître aux pauvres des capacités d'expertise par tout ce qu'ils ont à traverser, en faire non seulement des experts, mais des compétents et des capables, donc dans des problématiques de l'empowerment, etc., et de la va changer les places de tous, c'est-à-dire que ça va plus être un aidant mais un accompagnant, etc., qui va être au service de la valorisation de ses compétences, à condition que le futur compétent annonce ses compétences et les montre. Donc là, il y a quelque chose dans... Là, je résume en caricaturant, enfin très pauvrement tout le travail qui est fait ici, des dilemmes, étant donné le type... là, il faudrait en savoir plus, mais c'est parce que je ne dispose que du texte, des questions que se pose aujourd'hui le Secours catholique. Bref, ces trois, pour des raisons différentes, j'ai trouvé inventives et intéressantes vraiment ces trois propositions, parce qu'il ne s'agit pas pour aucune d'entre elles de se préoccuper de la question des classes sociales en soi, mais de l'utilisation qui est faite à partir de leur terrain et dont on peut faire de ces notions à partir de situations concrètes. La seule chose, c'est que dans chacun des cas, moi j'aurais voulu, c'est une seule petite critique, mais c'est idiote parce que je n'ai qu'un texte de 20 pages, de et donc c'est pas là-dedans que ça peut être fait, mais... la seule chose que je demande, c'est y a-t-il des descriptions fines, précises, concrètes des petites maisons là, rituelles, des conversations entre qu'on puisse analyser parce qu'elles montreraient le grain fin des dilemmes et dans votre cas de la façon de ce que c'est que dans quel type d'occurrence dans des discussions entre personnes, le mot peuple arrive, pour essayer de voir exactement, de décrire plus finement la façon dont il est déployé à travers des situations diverses.